soit surfait, bien sûr, rien ne vaut le détour. Prisonnier du goudron, tu ne trouveras bon dans le béton. La galère au rendez-vous, une misère qui pousse à bout, incompris du système. Situation toujours idem, avec les mêmes problèmes, les mêmes histoires. Dormir debout, l'ambiance se froisse, ta vie trépasse. Les amers te laissent et traces ton existence dans la passe. Sortir cette menace, sans perdre la face à trop de gens qui passent. Trace leur chemin, sans penser à ce que sera demain. Ta vie est pleine de tracas, tu sors la menace. Prends garde à ce qui est en face. T'inquiète pas, frangin, ça ira mieux. On attendra pas les cieux. Ouvre les yeux, regarde les vieux, ça ira mieux. Une chose est sûre, frangin, la mort attrape celui qui fuit le combat. Celui qui fuit le combat. T'inquiète, t'inquiète pas, frangin, ça ira mieux. On attendra pas les cieux. Ouvre les yeux, regarde les vieux, ça ira mieux. Une chose est sûre, frangin, la mort attrape celui qui fuit le combat. Celui qui fuit le combat. T'inquiète. Hostile, mon stylet, ton stylo. Gros black, black boy, y'a pas de là. Yo, des ça va? Ouais, ça va, j'appelle les hombres. Hombre. Un poquito de vignero, quoi, y'a pas de là. Et qui t'enjaille, dis-moi qui t'enjaille. Ok, j'ai les poches vides, vidées. J'vis à vos la balle, ma terre est minée. Une terre d'affaires, mes fans, ils smoke fumé toute la journée. Noyé, broyé, du noir honnête, moi, mes frères le font. Comme coupé, ils savent tout bêtement. Autopsie de la situation, mes abattements de gomme, tu vois mon fut, mon petit tissu, les cafards pullulent. Mes frères bourrés de boutules, toujours pour la même pute. Mais ça se passe tout en ruse. Mais quand vous tous, le même bitume, quand je ressors, les mains de mes poches, des yeux en cloque, j'bloque, fuck le mauvais sortilège. Je persévère en mercenaire, faut que mon peu rappel. Vite toi, je dis ce que pense tout bas. Les gens qui disent qu'ils vivent pas pour la mort. T'inquiète pas, frangin, ça ira mieux. On n'attendra pas les cieux. Ouvre les yeux, regarde les vieux, ça ira mieux. Une chose est sûre, frangin, la mort attrape celui qui fuit le combat. Celui qui fuit le combat. T'inquiète, t'inquiète pas, frangin, ça ira mieux. On n'attendra pas les cieux. Ouvre les yeux, regarde les vieux, ça ira mieux. Une chose est sûre, frangin, la mort attrape celui qui fuit le combat. Celui qui fuit le combat. T'inquiète, pas besoin de mâcher les restes. Ou encore tourner mes fesses, mes S. Ah pour ça je vais me brûler les doigts, faiblesse. Et prête à tout, un frein qu'on lâche, qu'on presse. Et jamais les faire dans stress. Même s'il y a pas grand chose, oui je déteste voir les gens dans la merde. Surtout quand ils bossent dur comme fer. Pour eux c'est souvent l'enfer, désert. L'enfer je l'emmerde, j'en fais sous terre. Serre-moi fort qu'on s'en sorte, sans faire couler de sang. Sans mort il a pas tort. La crise nous vise tous un jour. Si tu l'évites pas, y'a pas de détour. Le compte amour fait son tour. À toi de passer dans le four. Faut que l'homme s'y fasse, à lui de rester tenace. Hélas beaucoup baissent les bras, ça laisse des traces. Dommage, qu'est-ce qu'on en pense à notre âge. T'inquiète pas frangin, ça ira mieux. On n'attendra pas les cieux. T'inquiète pas frangin, ça ira mieux. On n'attendra pas les cieux. Ouvre les yeux, regarde les vieux, ça ira mieux. Une chose est sûre frangin, la mort attrape celui qui fuit le combat. Celui qui fuit le combat. T'inquiète, t'inquiète pas frangin, ça ira mieux. On n'attendra pas les cieux. Ouvre les yeux, regarde les vieux, ça ira mieux. Une chose est sûre frangin, la mort attrape celui qui fuit le combat. Celui qui fuit le combat. T'inquiète. Ça ira mieux, une chose est sûre frangin, la mort attrape celui qui fuit le combat. Celui qui fuit le combat. Celui qui fuit le combat. Celui qui fuit quoi? Combat.